Bonjour à tous, je suis Samira Kondi, doctorante en sociologie. Cette thèse est en parallèle avec l'université de l'espace organisée jusqu'à l'université de Grenoble, en collaboration avec l'unité de recherche chimiste et le laboratoire Cresson, sous la direction du professeur M. Fatih Erpir. Elle est professeur Marc Pré-Gilière. Donc, le titre de ma thèse est Jeunes et actions politiques, comportement électoral, nouvelle forme d'expression politique dans l'espace urbain. Donc, perspective de la recherche, le thème de ce projet de recherche en doctorat s'inscrit dans le même champ d'investigation que celui abordé dans le cadre du mémoire de master. Le mémoire s'intitule Le mouvement social du bassin minier en 2008, des jeunes et les traits d'un acteur qui émerge. Donc, pourquoi les jeunes? Donc, on a la société tunisienne a commis une forte mobilisation des jeunes pendant la révolution du 17 décembre 2010 à 14 janvier 2011. Donc, les jeunes ont été dans les premières lignes de la révolution et du mouvement. Voilà quelques photos. Mais paradoxalement, les statistiques ont montré que seulement 10 députés âgés de moins de 30 ans, soit à peine moins de 5%, c'est un total de 217 députés au sein de l'Assemblée constituante tunisienne en 2011. 17% des jeunes interrogés disent être intéressés par la politique et seulement 27% d'entre eux déclarent avoir voté lors des élections de l'Assemblée nationale constituante le 23 octobre 2011. Moins de 3% des jeunes tunisiens sont aujourd'hui membres d'un parti politique. 61% des jeunes n'ont aucune appartenance politique. 1,4% seulement des jeunes sont responsables au sein d'un parti politique et 4,1% font partie des militants actifs au sein des partis politiques. D'où notre problématique. En bref, la problématique que nous nous proposons d'analyser tente de comprendre le paradoxe d'une forte ou plutôt intense présence des jeunes sur la scène publique, notamment politique. Présence qui est étrangement assortie d'un faible engagement de ces jeunes dans les structures classiques d'engagement politique dans une société qui vit des difficultés politiques par excellence. Donc, notre hypothèse de recherche sont deux hypothèses. La première, c'est que le processus post-révolutionnaire est caractérisé par un paradoxe. D'un côté, l'échec d'un modèle de démocratie contemporaine revendiqué par les jeunes qui demeurent jusqu'ici marginalisés au niveau de la prise de la décision. De l'autre, un contexte qui aurait permis aux jeunes de redéfinir les liens par rapport à la politique en inventant une nouvelle conception du politique. Deuxième hypothèse, c'est que les mutations des formes d'engagement politique reconfigurent les rapports aux politiques et les jeunes mettent en avant de nouvelles formes d'expression véhiculant de nouvelles valeurs, ce qui imprime leur action politique par des modalités spécifiques, les désengagements par rapport au circuit politique traditionnel, va donc de pair avec un développement ambigu de modes de mobilisation innovants, non conventionnels et autonomes, pluriels et hétérogènes et même individuels. D'où des sujets qui ne se perçoivent plus comme des récepteurs passifs de messages transmis par la société et se considèrent comme des acteurs de leur propre socialisation. Donc, passons maintenant à la méthodologie de la recherche. Pour la démarche et population cible, rappelons que notre objectif de recherche vise la compréhension des transformations des formes de militantisme et d'engagement chez les jeunes d'aujourd'hui, ce qui nous invite d'aborder premièrement les transformations des rapports des individus à la chose publique, deuxièmement la série des pratiques et des manifestations publiques de tout genre, comme les meetings, sittings, etc. Troisièmement, l'étude du sujet lors de son accomplissement dans les prisons en adaptant une approche ethno-sociologique. quatrièmement, suivre les modalités d'action concrètes des individus quand ils se déploient dans la sphère publique. Cinquièmement, comprendre les différentes logiques orientant les formes d'engagement contestataire des jeunes agissant librement ou en solo ou ponctuellement en cercle comme la musique de rap, graffiti, etc. ou même les théâtres de la rue. Pour cette raison, j'ai choisi de travailler sur trois terrains. Une association ATINIS, Danseur Citoyen, c'est une association de type culturel. Une deuxième association à Gapsa, qui s'appelle Mouvement des Jeunes Tunisiens. Et une campagne lancée par des jeunes qui s'appelle Je ne pardonnerai pas, jamais. Manish Shamsema, c'est une association, c'est une campagne contre la loi de conciliation proposée par le président Béji Raïd Sepsi. Donc, pour les techniques d'investigation, j'ai adopté l'observation participante, des entretiens semi-directifs, des entretiens spontanés lors des mouvements ou lors des manifestations, analyse du contenu, analyse du discours, des pages de Facebook des jeunes actifs individuellement ou collectivement au sein de groupes, analyse des textes écrits par les jeunes sur les pages de Facebook lors d'événements annoncés par ces jeunes, analyse des photos, pièces de théâtre, slogans, etc. Donc pour le plan de la thèse, donc porte sur deux grandes parties. La première partie, comportement électoral des jeunes après 2011. Elle se divise en trois chapitres. Acteurs présents, premier chapitre, acteurs présents sur la scène publique. Elle se divise en trois sections. Premièrement, une jeunesse radicale face à une classe politique réformiste. Deuxièmement, la bipolarisation idéologique. Troisièmement, les deux chiffres, c'est le leader du parti. Les deux chiffres sont les leader de parti islamiste Nahda Rashid Al-Ghannouchi et le leader du parti Nida Tunis, le président actuel Béji Raïd Sepsi. De la bipolarisation au compromis politique, la deuxième section, chapitre, le comportement électoral du jeune. Première section, c'est le contraste de l'acteur principal de la révolution au rôle secondaire sur la scène publique et politique. Deuxième section, abstention au vote ou vote de sanction. Troisième section, l'abstention, un choix politique. Est-il un choix politique? Donc le troisième chapitre, c'est le bilan de la révolution des jeunes, de la désillusion de la jeunesse. La première section, c'est le mythe du nouveau modèle de développement. Deuxième section, les fausses promesses d'emploi. Troisième section, la montée des suicides en forme de protestation politique. Deuxième partie porte sur les nouvelles formes d'expression politique. Premièrement, des idéologies globales à la pluralité des cités. Troisièmement, brouillage des cadres de référence aux pluralités des cités. Deuxièmement, émergence d'une nouvelle forme d'engagement politique pour l'engagement social du quotidien, l'emprise de l'incertitude ou la tentation de l'éphémère. Troisièmement, l'agir individuel et pragmatique pour les nouvelles formes d'expression culturelle et politique. Premièrement, la conquête des espaces morts, des liens affinitaires et distanciés. Troisièmement, l'activisme et militantisme contestataire pour porteur d'un projet. Passons maintenant aux quelques résultats de la recherche. Dans le premier chapitre, nous avons tenté d'analyser les transformations de la scène politique et ses processus afin d'argumenter les logiques qui ont amené les jeunes à retirer des institutions classiques et de la participation politique ordinaire. Donc, pour cette partie, on a affaire à un mouvement unifié pendant la phase, donc la première phase du 17 au décembre au 14 janvier. On a affaire à un mouvement unifié des jeunes qui avaient pour objectif le changement radical du régime politique. mais qui s'est vu confisqué par une classe politique classique et réformiste. On est passé d'un mouvement qui fait appel aux valeurs universelles à une société fragmentée, caractérisée par un conflit identitaire. On est passé aussi d'un régime dictatorial à la domination d'un parti à coloration identitaire, pratiquement la domination des partis larmés, surtout dans la première phase transitoire. De la domination du parti à la bipolarisation idéologique entre les deux partis, donc Nidatoun et Nal, puis de la bipolarisation à un arrangement entre deux partis, une autre fois entre le parti du Nidatoun et le parti islamiste. Donc voilà, ce processus a entraîné à la transition démocratique dans une crise politique, violence, crise des institutions transitionnelles, blocage politique, donc les attentats, la violence, tout cela. On n'a pas pu assurer un passage démocratique basé sur la diversité, la multiplicité et l'implication de ceux d'en bas à la prise des décisions et le respect des droits de l'homme universel. Et donc la marginalisation des jeunes au niveau des décisions. Donc, par conséquent, quand je pense qu'on a une génération des vieux attachés aux formes classiques de la démocratie, représentative et élitiste, et une deuxième génération des jeunes en quête d'une nouvelle forme de démocratie contemporaine, agonistique, conflictuelle, qui respecte la diversité, la multiplicité et l'implication de ceux qui sont exclus de la prise de décision. Donc, pour le dixième, passons maintenant au chapitre. Dans le dixième chapitre, notre objectif est de montrer que l'abstention du vote chez les jeunes n'indique pas qu'ils sont indifférents par rapport aux politiques, mais c'est un résultat de déception et manque de confiance des jeunes par rapport aux institutions classiques. Un rejet des formes classiques de la participation politique, une crise de représentativité et l'abstention aux élections qui ne forment de protestation et de sanctions. Passons maintenant au troisième chapitre. Dans le troisième chapitre, nous visons à montrer que l'absence d'une nouvelle forme de développement et les difficultés crise qui traverse la société tunisienne ont augmenté le sentiment de déception chez les jeunes. Donc le processus politique est accompagné par un autre processus socio-économique marqué par, premièrement, l'absence d'un nouveau modèle de développement, aggravation de la crise de chômage, persistance du déséquilibre régional, l'incertitude chez les jeunes, l'augmentation de l'incertitude chez les jeunes, une fracture entre les jeunes et les institutions de l'État. Passons maintenant à la deuxième partie. Donc, dans ce premier chapitre de la deuxième partie, nous tenterons de comprendre les transformations des formes d'engagement politique chez les jeunes avant de passer à la présentation des nouvelles formes d'engagement donc, politique chez les jeunes. On va présenter quelques symptômes de ces mutations. Premièrement, crise de communication intergénérationnelle. Donc, si les jeunes citation que j'ai donc la première pour un jeune activiste et le deuxième pour un secrétaire régional du parti politique qui illustre bien cette crise de communication intergénérationnelle. Donc le jeune m'a dit, je considère que la révolution n'est pas une guerre entre classes ni entre régions, mais surtout et avant tout un conflit de génération. Le problème des jeunes est qu'ils n'ont pas pu se situer entre la rigidité et l'enfermement des anciens partis, d'une part, et l'immaturité des projets des nouveaux partis, d'autre part. Le Front populaire, par exemple, a fermé la possibilité de leadership chez les jeunes, comme explique donc, l'activiste et ex-journaliste du Nawet Hossein Hajlewi, 32 ans. Quand le secrétaire général d'un parti politique, il a dit, donc, je ne peux pas travailler avec ces flours, donc en dialecte tunisien, flours, ça veut dire les enfants de la rue, je n'arrive pas à les comprendre, je n'ai pas travaillé avec ceux durant toute ma carrière politique et syndicale, je ne peux pas continuer avec un parti, c'est décideur flours, donc voilà. Donc, deuxième crise, c'est la crise idéologique. Les jeunes refusent toutefois les étiquettes et les affiliations politiques et idéologiques, préférant les actions portant sur leur vécu quotidien, comme le chômage, la marginalisation, les droits des minorités, et celles qui visent des objectifs plus directs et immédiats. Troisième crise, c'est une crise institutionnelle. C'est que 91,2% des jeunes ruraux, suivant une enquête menée par une organisation internationale, donc montre que 91,2% des jeunes ruraux et 68,7% des jeunes en milieu urbain déclarent ne pas avoir confiance dans les institutions politiques, d'où on a des institutions classiques. Ces caractéristiques se caractérisent par l'organisation hiérarchique verticale, quand les jeunes donc cherchent des organisations horizontaux, donc horizontales, centralisation au niveau des prises de décision, quand les jeunes cherchent la participation des jeunes, donc les formes d'action classiques, les jeunes cherchent de nouvelles formes d'expression. Enjeux pour les institutions classiques ont des enjeux identitaires et idéologiques quand les jeunes cherchent des enjeux renvoyant à la vie quotidienne. Donc les jeunes rejettent les formes classiques de l'engagement politique en inventant de nouvelles formes d'engagement. Donc c'est une typologie d'un acteur engagement que j'ai pu donc dégager suivant le travail du terrain. Premièrement, l'agir en acteur autonome. Les jeunes préfèrent d'agir en solo, donc individuellement, hors des circuits classiques. Donc, ce qui montre l'un des jeunes qui disait « Moi, je ne peux pas adhérer à un parti politique, je ne peux pas être prisonnier d'une hiérarchie très rigide, j'attends les ordres des responsables pour participer à une mobilisation et j'attends les ordres des responsables pour prendre une décision aux attitudes à propos de tel ou tel événement qui se passe dans les pays. Je veux être libre. » Un autre disait « J'étais membre d'un parti politique. Ce qui distingue notre association des partis politiques, c'est qu'au sein de ces derniers, on ne participe pas à la prise de décision. Les responsables parachutent leurs décisions. Par exemple, quand le Parti communiste des travailleurs tunisiens a décidé de changer de nom, ou quand le Front populaire a choisi de faire alliance avec le Parti né de Tunis lors du sitting Rahi, ni l'un ni l'autre ne s'est concerté avec ces jeunes militants. En revanche, dans notre association, nous participons tous à la prise des décisions. » Donc, deuxième type, c'est l'activisme. Les jeunes donc, choisissent des formes d'engagement à travers l'expression activiste. Un jeune m'a dit, moi je viens d'un quartier populaire, et qui me dit, toi tu ne comprends rien, je leur répondrai, ce qui ne sait rien du jeune des quartiers populaires, c'est lui qui ne peut rien comprendre, il ne peut pas comprendre leurs souffrances, il ne peut pas comprendre comment ces jeunes doivent voler pour acheter le gâteau de ses fiançailles. Moi je suis fière de venir d'un quartier populaire. D'ailleurs, quand j'ai fait mon gravity, le post-élé, je veux dire que nous sommes fiers de nous faire stigmatiser par le crime et la violence. Je veux dire que vous ne pouvez rien comprendre pour ces jeunes qui sont en fait une victime de l'injustice sociale. Tu penses que si ces mêmes jeunes ont vécu dans des familles et quartiers riches, tu les trouves comme ça? Moi, je te jure que non. Donc, ce jeune a choisi de s'exprimer à travers la gravité, tout cela. Donc voilà une photo d'une jeune activiste qui écrivait sur sa page Facebook militant dans la joie. Donc voilà, troisième type d'engagement, c'est l'engagement individuel. C'est un jeune qui disait, je ne veux pas engager dans une association, mais je peux être sympathisant au sympathisant avec donc, ou un ami de quelque association, je préfère être libre avec mes outils de peinture. Je peux agir à n'importe quel moment, je peux m'exprimer librement. L'essentiel, moi, c'est de faire ce que je veux et de réaliser à travers mes gravités ma stigmatisation. Quatrième type, c'est l'engagement pragmatique au éphémère. Donc, les jeunes préfèrent de s'exprimer ou d'engager pour des objectifs éphémères, ponctuels. Donc, cinquième type, c'est le mode de vie conforme d'engagement. Donc, les jeunes aujourd'hui peuvent choisir, par exemple, les formes d'habillement ou bien le tatouage pour s'exprimer leur refus par rapport au système social, au politique et tout cela. Donc, deuxième chapitre, dans ce deuxième partie, donc dans ce chapitre, notre objectif était d'étudier les nouvelles formes d'expression politique chez les jeunes. Donc, les nouvelles formes d'engagement et le rejet des institutions classiques sont accompagnées chez les jeunes d'aujourd'hui par de nouvelles formes d'expression politique, la conquête d'autres valeurs et des liens sociaux, la multiplicité des engagements et d'expériences, les espaces ouverts et la rue ont remplacé les institutions classiques et hiérarchiques, l'invention des espaces alternatifs, les relations hiérarchiques par les relations horizontales et les relations patriarcales par les relations affinitaires. Donc voilà quelques photos des jeunes militants du mouvement Je ne pardonnerai pas. Donc ils se réunissent dans la rue, dans des parcs, donc sans locaux, des jeunes qui font des gravités. Donc, même mouvement, je ne pardonnerai pas. Allez, merci pour votre attention. Merci Samia pour ta présentation. Du coup, comme tout à l'heure, on va commencer les questions avec Madame Thierry. D'abord, une question. Enfin, vous avez parlé du bassin minier. Oui. Et après, en fait, c'est de la Tunisie en général que vous avez parlé, non? Au début, vous avez parlé du bassin minier, mais après, j'ai l'impression que vous parliez de la Tunisie en entier. Bassin minier, c'est dans le cadre du master. J'ai travaillé sur le bassin minier des jeunes. Ok. Bon, alors, moi, ce qui m'a trotté dans la tête tout du long de votre exposé, qui est très intéressant et assez complet, c'est vous avez dit que vous aviez interviewé des gens d'un mouvement qui s'appelle Danseurs Citoyens. Et au fond, une de mes hypothèses en vous écoutant et en essayant aussi de faire des ponts avec notre situation française, c'est que le rapport des jeunes à leur corps n'a rien à voir avec celui des vieux. Et que au fond, quand on milite, quand on a 15-16 ans, qu'on commence à militer dans... Quand on a 15-16 ans, je sais pas, qu'on commence à militer politiquement, entre guillemets, dans un mouvement quelconque, j'ai l'impression que c'est d'abord pour aller sortir du cadre familial, scolaire, où on répète tout le temps la même chose, et aller dans un cadre X, inconnu, où on va transporter son corps ailleurs. Et il faut bien dire que quand on transporte son corps dans des organisations politiques, quelles qu'elles soient, aussi bien le Parti communiste que le socialiste, que la droite, je n'ai pas été, mais enfin j'imagine, ces gens-là veulent que vous teniez tranquille. Hein, et toute impulsion un peu immédiate et spontanée, surtout si vous la convertissez en idéologie, qui plus est, bon, ça, vous vous faites ratiboiser, c'est ainsi que donc ma génération, on a tous été expulsés de l'Union des étudiants communistes, du Parti communiste et tout ça, parce qu'on trouvait que Mitterrand n'était pas assez à gauche. Ça se passe en 65. 1965, c'est très très vieux. Bon. Et après, les 68, il y a une dimension du corps qui me semble fondamentale et donc vous esquissez par le choix de ce groupe et qui n'est pas reprise après. Et donc après, vous traitez très bien de la légitimation idéologique, des différences de position, etc. Mais cette légitimation idéologique, en plus, justement, si je prends l'exemple des ancêtres dans mon genre, on voit bien qu'elle disparaît petit à petit et ces gens deviennent conformistes en vieillissant. Donc, ce phénomène jeune de la politique, qui fait que chez nous, il y en a autant qui votent Marine Le Pen que Mélenchon, enfin pas tout à fait, mais presque, et qui votent aux extrêmes, c'est beaucoup plus cette espèce de sursaut. En effet, on ne décide pas pour nous, on va tous décider. Et alors, ce qu'il y a de très nouveau, j'ai l'impression, moi j'ai pris Facebook au moment de la révolution tunisienne pour être dans le coup, et la révolution tunisienne n'est pas venue à moi par Facebook du tout, je n'ai pas su y faire. Moi. Mais en tout cas, cette idée que par ces réseaux sociaux, pof, pof, pof, on tape ce qu'on veut et on envoie je ne sais pas où, un site, etc. Donc cette espèce de pulsion corporelle qui d'habitude s'exprime dans les manifs de temps en temps, qui déjà est complètement coincée par les âgés et ainsi de suite, là, dans un espace microsocial, elle peut se manifester. Donc je trouve que ce filon, surtout dans le cas de la Tunisie, où il paraît que Facebook a joué un rôle très important, et c'est nouveau, aussi, il doit y avoir une cassure quelque part. Par exemple, il a été dit au moment de la révolution tunisienne qu'en fait, en Tunisie, il y avait beaucoup de très bonnes écoles d'informatique, beaucoup de call centers, enfin de participation à l'économie générale, pas des réseaux sociaux, mais des réponses, des centres d'appel, etc., par un haut niveau de formation informatique du pays. Donc, en fait, bien plus qu'en France, il y a, à l'heure actuelle, une transformation sous-jacente de la qualification de la population, qui est à peine entrevue par les élites, même peut-être pas du tout. Et donc, une espèce de... Ça, c'est beaucoup de copains, justement, d'Afrique, même aussi d'Afrique... subsahariennes le disent, il y a une espèce de couvercle de marmite mis sur la jeunesse par rapport à sa participation à la modernisation technologique générale. Donc ça, c'est des choses de contexte qu'il faudrait peut-être un petit peu plus regarder. Et cette hypothèse du corps, parce que les graphes... Et puis alors, il y a aussi... à mon avis, vous ne parlez pas, enfin peut-être, je n'ai pas tout bien dit. Par exemple, les graffitis, là aussi, moi, c'est vu à travers des jeunes Français, en l'occurrence mon propre fils aîné, ça a été une participation à la mondialisation, c'est-à-dire je suis à New York chez moi, hein, je suis à New York chez moi, et donc je fais des graffitis dans la rue, comme j'ai vu à la télé qu'il y en avait sur le métro de New York, etc. Donc il y a une participation subjective à la mondialisation par cet activisme corporel, artistique, artiviste, comme on dit maintenant, et qui, en effet, n'est absolument pas pris en compte par le système partisan. Hein. Bon. Alors, ceci dit, toujours pour jouer dans la vieillerie, puisque c'est un peu mon statut, dans les années 60, en France, il y a eu une transformation idéologique considérable qui s'est traduite par la désobéissance des organisations de jeunesse, de toutes les organisations adultes. La jeunesse ouvrière chrétienne, la jeunesse étudiante chrétienne, la jeunesse agricole chrétienne, tous ils se sont mis à avoir leurs propres idées, à être justement pour la mondialisation, etc., etc., et à vivre de leur propre vie par rapport à leur organisation adulte. L'Union des étudiants communistes a changé son journal, a appelé Clarté, comme je ne sais plus quel vieux journal de l'époque de la Révolution soviétique, un truc comme ça, et a commencé à parler des problèmes de sexe, avant 68, hein, avec notamment une couverture, il y avait une femme nue de dos qui était la femme du rédacteur en chef, d'ailleurs tout simplement, mais pour poursuivre Beauvoir de manière visible. Bon, hein. Après, les socialistes, je ne me rappelle plus, je crois qu'ils étaient un peu ringards, eux. Mais enfin, donc, il y a eu une transformation comme ça, qui a été quand même relativement contrôlée dans ce cas, mais qui accompagnait une transformation sociologique fondamentale, qui me paraît être le cas de la Tunisie. Et donc, on est dans un moment de transition, et c'est pas, je crois, une essence de la jeunesse de ne pas participer à la politique, je ne sais pas quoi. Mais effectivement, là, chez vous, les organisations adultes ont réussi pour l'instant à prendre le contrôle de la situation. Mais c'est vrai que, il y a vraiment à réfléchir au type d'engagement dans ces cercles où il faut parler pas plus haut que les autres, où il faut voter pour la proposition du bureau politique et pas pour une proposition alternative, etc. Il y a une série de contraintes dans les organisations politiques normales qui est effectivement insupportable quand on est poussé par une transformation mondiale. Bon. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu plus quelle a été ta posture, toi, sur le terrain d'enquête? Est-ce que parmi les jeunes, j'imagine que... Est-ce que tu fais partie des, oui, des jeunes, j'imagine? D'ailleurs, de la campagne, je ne pardonnerai jamais, donc j'étais membre de cette campagne. D'accord, donc tu es engagée aussi politiquement dans ces associations-là. Et donc comment tu articules ton rôle de chercheur, de sociologue avec cet engagement-là? Et puis comment toi, tu es... La deuxième un peu question, c'est comment... Est-ce que tu allais interroger des vieux? Et quand tu les interroges, comment ils te considèrent en fait? Comment tu as joué de ça? En fait, je suis membre du Front Populaire aussi, donc je suis... Donc j'ai assisté à des réunions, donc j'ai assisté, donc j'ai pris des notes, donc j'ai j'ai pas vraiment faire des entretiens donc avec les vieux, donc des entretiens bien organisés, mais j'ai assisté à des réunions, bon, puisque je suis donc membre d'un parti politique, donc voilà, c'est l'observation participante plus que des entretiens. Et parce que toi, du coup, tu as un peu eu une posture dans les deux cercles. Ah oui. Les gens, ils ont accepté ça ou il y a pas eu de souci particulier? Ah oui, non, je n'ai trouvé aucune donc, difficulté pour, à l'accès du terrain, donc j'ai fait ça. Tu étais militante avant d'être chercheur dans l'affaire. Oui, oui, non, c'est important. Oui. Par rapport à la question de Léa, c'est toute la question. Et donc, tu as fait ton coming out de chercheur ou pas? C'est ça la question. Non, mais c'est un travail objectif, donc scientifique. J'ai essayé donc de respecter les normes scientifiques. De la recherche, quoi. Oui, parce que c'est pas facile quand on est engagé dans ce jeu. Oui, mais j'ai critiqué même le Front Populaire dans mon travail. Mais les trois terrains sont dans la restitution orale, là, peut-être dans l'écrit suivant, mais les trois terrains sont pas visibles dans la restitution orale. Alors, vous avez dit que vous aviez les danseurs citoyens, vous êtes après un mouvement à GAFSA, et un troisième terrain, j'ai oublié. Enfin, vous avez trois terrains assez différents. Et oui, c'est pour diversifier un peu le terrain. Oui, mais qu'est-ce que donne... Parce que moi, il m'a semblé que ces trois terrains, par rapport à la question, devaient être assez différents. Donc, les jeunes s'engagent dans des circuits non conventionnels. Ouais. Donc j'ai choisi une association de caractère culturel, donc qui était le théâtre de la vie. Ouais. Une autre association donc un peu particulière à Gapsa, se situe au sud tunisien. Donc, elle a un caractère un peu spécifique. Donc, dans un café, sont des jeunes, tous des jeunes, qui sont tous, qui appartiennent tous à des partis politiques. Puis ils sont sortis de leur parti politique et donc fondé cette association. C'est en un petit café, donc. Aussi donc ils font des discussions, ils font des projections des films, et donc un aspect un peu particulier donc pour cette association. Troisième, c'est une campagne donc qui s'est organisée juste après la loi de donc le président a proposé une loi de reconciliation. Donc ces jeunes font appel à un mouvement pour lutter contre cette loi. Donc j'ai essayé de diversifier un peu le terrain. La question, c'est effectivement, dans ton exposé, tu nous as mis un discours très général sur les jeunes en général. On ne sait pas qui sont ces jeunes, quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça s'arrête, etc. Là, tu as besoin de donner des contours de la population. Et puis un discours très général sur la Tunisie. Et c'est vrai que les terrains étaient complètement absents. Et pour reprendre l'expression d'Anne qui est très intéressante, transporter son corps. Et tu nous as parlé de l'espace public, par exemple. Parce que apparemment, tu as beaucoup analysé, observé les formes d'occupation de l'espace public, qui sont toutes ces formes nouvelles, occupables, etc. C'est une forme d'occupation. Donc qu'est-ce que ça fait à l'espace public? C'est une nouvelle forme, concrètement, donc, à partir de ces observations. Là, voilà, on a envie d'avoir un peu de grain de description là, de qu'est-ce que tu as observé, comment ça s'est mis en place, comment ça s'est préparé, puisque ces formes d'occupation de l'espace public sont aussi préparées en amont, et c'est là où ta posture d'observation participante est également intéressante. Comment toutes ces formes d'occupation et qu'est-ce qu'elles font à l'espace public aussi, ça c'est des éléments à mon avis qui sont importants. Et du coup, encore une question qui m'est venue en t'écoutant, c'est sur la transformation, ton hypothèse, quoi, la transformation du rapport aux politiques. S'il y en a une, laquelle, je pense que tu connais le bouquin de Sandra Logier, Albert Rogien, sur le principe de démocratie, hein, qui a essayé d'analyser justement un petit peu les différents mouvements de printemps, etc. En quoi est reconfiguré le rapport au politique, comment aussi il pouvait ensuite s'incarner plus ou moins différemment dans des mouvements politiques, dans des partis, comme Podemos ou 5 étoiles en Italie, Podemos en Espagne, 5 étoiles en Italie. Voilà, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça produit tout ça? Bon, pour les jeunes, la question donc, théorique, oui, la jeunesse ne représente pas un groupe homogène, donc ça c'est sûr. Donc pour cette raison, j'ai choisi donc une catégorie des jeunes qui militent donc ou qui s'engagent dans des formes conventionnelles. Donc ils sont pratiquement en général des jeunes diplômés. Ça, j'ai remarqué que sont des jeunes, la plupart de ces jeunes sont diplômés. Ils sont plus très jeunes. Donc ils sont déjà plus très jeunes. Oui. Oui, donc voilà. L'analyse sociologique de la place de la jeunesse dans ces pays est importante parce que, enfin, d'après moi, ce qu'on raconte, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le couvercle de marmite sur les jeunes, c'est aussi que donc les systèmes éducatifs ont créé des cohortes de jeunes diplômés dont l'insertion dans la société ne correspond pour beaucoup d'entre eux pas à leur diplôme. Et finalement, c'est ceux qui ont des parents, qui sont plus ou moins des héritiers, qui arrivent à s'insérer, alors que celui d'à côté qui a le même diplôme n'y arrive pas. Et c'est bon. Voilà, enfin, c'est ça crée un potentiel, enfin, comment dire, un personnel politique potentiel, parce que seule la politique peut transformer cette situation. La thèse, elle en est à quel stade? À troisième année. C'est-à-dire le terrain est fini, oui, parce qu'il reste à écrire le rapport. D'expression, est-ce que c'était dans le temps, est-ce que c'était dans l'espace, enfin, il me semblait que ça serait intéressant de pouvoir mieux tirer, notamment du verbatim, des éléments de marqueurs, quoi, de nouveauté, que ce soit dans le comportement, le corps, le langage ou de la tactique, hein, parce qu'il y a à peu près ces trois choses-là. Et du coup, j'en tiens une question sur comment est-ce que vous comptez faire avec votre matériau discursif. Comment vous voulez faire avec votre matériau discursif? Parce que là, vous nous avez montré des citations, donc c'est toujours très intéressant de voir des citations brutes, on les voit effectivement de première main, mais ça ne fait pas preuve de la citation. Donc la question, c'est comment est-ce que vous fabriquez de la preuve à partir de votre matériau langagier, discursif? Comment vous allez traiter, comment vous allez travailler pour faire des catégories et que ce ne soit pas des cas particuliers qui nous donnent le sentiment que par cette personne-là qui a dit cela en particulier, vous atteignez une généralité. Ce qui est un vrai grand problème à chaque fois qu'on fait des entretiens, et on a tous ce problème-là tout le temps en permanence. Du coup, la question, c'est un peu quelle est votre méthode de traitement et qu'est-ce que vous avez l'intention de filmer. Pour la première question, donc. Donc, le travail du parrain m'a permis de dégager des nouvelles formes, par exemple, d'expression chez les jeunes. Donc, les jeunes s'expriment à travers l'art, par exemple, à travers le corps, par exemple, le suicide. Donc, le corps devient aussi une forme d'expression politique et de contestation. Donc, Amine Hakim, aussi, j'ai fait un entretien avec Amine Hakim, donc elle s'exprime avec son corps. Aussi, donc, les formes d'organisation, donc les formes classiques donc, sont plus rigides, hiérarchiques, mais les jeunes préfèrent les organisations donc, moins rigides, donc, horizontales. Aussi, les enjeux sont différents. Les vieux ou bien leurs enjeux sont plus idéologiques, identitaires. Les jeunes préfèrent donc des enjeux immédiats en relation avec leur quotidien, avec leur vie quotidienne. Voilà pour le. J'avais compris à peu près ça, mais ce que je posais la question, c'était comment est-ce que vous allez prouver ça? Comment est-ce que vous allez administrer la preuve que ceci est nouveau? L'année de travail différent. Mais par exemple, par rapport à le corps, si on voit un nouveau comportement, comment est-ce qu'on peut dissocier ceci est un nouveau comportement? Parce qu'il nous arrive, on a l'information de ce nouveau comportement, ce qui est une première information, une première chose. On est acté, mais peut-être que cette pratique existait, sauf qu'on n'avait pas l'information. Et donc la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on enquête face à un événement pour le rendre nouveau à partir d'une enquête qui est. C'est une forme d'enquête historique, hein, pour repérer dans le passé récent et choisir lequel, on constate qu'il n'y avait pas le bon comportement. Vous voyez, c'est le genre de. Peut-être dans la société tunisienne, hein, donc ces types de comportements, d'engagement. On n'a pas donc, ces types de. Donc, peut-être aussi, c'est la société tunisienne a vécu sous un régime dictatorial et donc il ne permet pas donc, ces types d'excitation et d'engagement. Et donc, ce sont tous des nouveautés. Donc, après 2011, ça n'existait pas avant 2011 encore la société tunisienne. Claire? D'accord, non, mais c'est bien, on fait une démonstration par le politique. Enfin, une démonstration par le politique, en fait. C'est pas une démonstration par la sociologie, c'est une démonstration par le fait politique, dictature. C'est valable. Peut-être pour rebondir sur la question en commun, je pense que là, c'est là plus que le. Il me semble, enfin, de ce que je comprends, plus que le verbatim, les entretiens, c'est l'observation participante qui doit permettre d'apporter un regard sur cette question, notamment de la nouveauté. Parce que, tu vois, si on prend une des citations que tu as utilisées, où un jeune nous dit, je ne sais plus exactement, mais grosso modo, oui, voilà, dans les partis, on peut pas participer à la prise de décision, alors que dans les associations, oui. Ok. Et ben, toi qui as participé, observé au sein de ces associations, est-ce que oui, on peut participer ou non à la prise de décision au sein des associations? Et comment c'est, enfin, oui ou non, à la limite, c'est pas intéressant. Oui, comment oui. Ça se passe? C'est ces éléments-là, à mon avis, qui peuvent. Donc j'ai assisté donc à des réunions pour les associations donc pendant ils discutent très bien avant de prendre une décision, ils font appel donc à des réunions sur Facebook pour prendre la décision, puis ils continuent à discuter sur les pages de Facebook, donc ils prennent la décision collectivement. Donc, j'ai observé ça donc, concrètement pendant les réunions. Donc, Moi, la question que je me pose, c'est en fait quand les jeunes répondent. Dans l'association, on prend les décisions. En fait, le fait qu'on analyse, c'est en fait leurs énoncés. C'est-à-dire, ils disent ça, et alors qu'ils disent que dans les anciens partis, on ne peut pas, et c'est à partir de là qu'on va essayer de réfléchir, même si ce n'est pas vrai du tout. Parce que je pense à autre chose aussi, bon, effectivement, mettre mes références super françaises, je suis d'accord. Parce qu'en 65, donc, quand j'avais 20 ans, il y a eu une grande enquête faite par l'IFOP, justement, à cause de la situation dont je parlais, hein, dans les organisations politiques ou même donc, les organisations chrétiennes. Il y avait la jeunesse qui était en train de se barrer. Donc l'IFOP a fait une grande enquête d'opinion sur ce que les valeurs portées par les jeunes. Les jeunes, donc, de 18 à 25 ans, quelque chose comme ça. En posant des questions du genre, est-ce que vous avez le souci de votre santé? Beaucoup, pas du tout, enfin surtout les enquêtes d'opinion à l'époque c'était très rustique. Hein. Est-ce que vous voulez avoir un bon travail? Beaucoup, pas du tout, enfin, etc. Est-ce que vous voulez fonder une famille? Beaucoup, pas du tout. Là. Et résultat de l'enquête, 85% des jeunes ne pensent qu'à avoir un bon travail, fonder une famille, une bonne santé. Bon. On est en 65, moi j'étais étudiante à Sciences Po. J'avais comme prof de socio Henri Mandras, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, enfin, qui était un sociologue spécialiste du rural, et qui nous donne un devoir libre. Vous choisissez votre sujet vous-même. Donc je prends la critique véhémente, évidemment, de l'enquête de l'IFOP sur les jeunes, puisque j'étais responsable de l'UNEF à l'époque, et en expliquant que telles que les questions étaient posées, il fallait être fou pour dire non. Donc cette enquête ne voulait strictement rien dire. 8 sur 20, vous ne serez jamais sociologue. Bon, tout ça pour dire que les opinions, elles changent, elles peuvent être superposées, et c'est pour ça que c'est effectivement aussi les actes réels, et quand des gens croient que une décision prise en votant par Internet est horizontale et démocratique, c'est un peu spécieux. Oui, c'est juste pour continuer la discussion sur ce sujet passionnant, parce que je ne suis pas spécialiste de ça, mais je crois comprendre que les politistes considèrent que cette nouvelle démocratie différentielle est née en Tunisie, par ce doublage Twitter, Facebook, un usage contradictoire pour pouvoir aller plus vite que la police, que les forces autorisées à la répression, on va dire, et qu'ils ont gagné, et qu'ils ont fait école, et que, a priori, les politiques disent qu'on ne reviendra jamais en arrière par rapport à ce phénomène-là. C'est ou alors on ne le prend pas en compte, mais il existe, ou alors on le prend en compte, on fait la politique avec. Donc moi, je trouve ça très intéressant de poser ces questions-là, justement, dans le renouveau aussi des systèmes pour faire de la politique. Il y a des travaux très intéressants, parce que je sais qu'en analyse politique, mais aussi des sciences de l'espace et de l'informatique, il y a des travaux pionniers qui ont été faits en Tunisie sur l'analyse de tous les tweets et de tous les comptes Facebook. Ils ont récupéré tout ce qui s'est fait pendant cette période-là, et ils ont fait des papiers tout en série, qui 3-4 ans après, pour analyser très précisément ça, avec des modèles très complexes, mais avec des résultats très simples. C'est-à-dire, en gros, ça marche, quoi. La nouvelle mobilisation des villages. Il y a un bouquin d'un sociologue qui s'appelle Jean-Marc Salmon, S-A-L-M-O-N, sur la Tunisie, la révolution tunisienne. Et l'informatique. Il y a un rapport du CIST aussi sur cette question-là. Il y a 3 ans. Du CIST, CIST, Collège international des sciences territoriales. C'est signé par Claude Gralin, qui travaille sur cette aspect.